émission, une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap, Abdal Malik. Et c'est reparti pour une nouvelle semaine dans Planète Rap. Et quelle semaine? Yes, yes, yo. Ça va bien, Malik? Merveilleusement bien. Et toi, écoute, moi aussi bien, parce qu'on s'approche de la sortie du film. Eh oui. À 10 jours, là. 10 jours. 10 jours, 10 jours. 10 jours de la sortie. C'est la semaine prochaine qu'arrive ce film. Qu'Allah bénisse la France, ton premier film. Mon premier long métrage. Ton exactement. Premier long métrage, et à mon avis, pas le dernier. Bah, en tout cas, on est parti pour en faire d'autres. Quelle histoire? Quelle belle histoire. Quelle belle histoire, c'est incroyable. Bah ouais, et puis c'est incroyable, et puis c'est une histoire hip-hop, c'est une histoire de rap. C'est ça qui est beau, en fait. C'est ton histoire, parce que ça part évidemment du bouquin que tu avais écrit il y a quelques années de cela. Exactement, il y a 10 ans exactement. Il y a 10 ans déjà. Il y a 10 ans, ouais, qu'Allah bénisse la France. Qui avait été un gros carton d'ailleurs. Ouais, un gros succès. Un gros succès en librairie. Ouais. Et c'est une adaptation, c'est pas tout à fait. Ouais, c'est une adaptation, comme le mot l'indique, adaptation. C'est-à-dire que j'ai ce livre, et ben je l'ai mis en film, en fait. Donc j'ai arrangé 2-3 trucs et tout pour que l'histoire se suive et soit compréhensible, lisible. Et voilà, et ça donne le film. Bon, je suis sûr qu'il y a un exercice auquel t'es rodé en ce moment. C'est le pitch. Le pitch du film, pour ceux qui arrivent à l'instant, qui disent, bon, alors le film sort la semaine prochaine, on a bien noté le 10 décembre. L'histoire de qu'Allah bénisse la France. Ben, l'histoire de qu'Allah bénisse la France, c'est l'histoire d'un mec de cité qui va transcender sa condition par la musique, par l'école et par sa spiritualité. Ton histoire? Mon histoire, en fait. C'est ton histoire avec, il y a évidemment un petit peu des moments romancés, ou c'est vraiment assez fidèle? On va dire que c'est 80% le réel. Après, il y a des trucs qui sont adaptés. Par exemple, mon histoire d'amour avec Wallen, enfin, les gens verront, mais j'ai fait comme si elle était de ma cité directement, parce que c'était compliqué de raconter aussi l'histoire de Bobigny, encore, etc. Ouais, de Bobigny. Truc. Ouais. Donc, dans ma famille, on est 7, on est 8 même, et j'ai fait comme si on était que 3 frères, et c'est les seules choses que j'ai touchées. Tout le reste, c'est donc voilà quoi. C'est pas vraiment l'histoire de Wallen, la concernant elle. C'est Nawel, mais c'est pas vraiment son histoire, et voilà. Mais sinon, pour le reste, tout est c'est l'histoire de moi dans la musique, etc. Alors la vie, celui qui joue ton rôle, il est juste incroyable, hein. C'est un comédien qui a déjà réalisé plusieurs choses, qui a déjà participé à plusieurs projets, et qui est juste incroyable, parce que c'est à dire que quand on voit le film, vous verrez le film d'ailleurs, ou si vous avez vu la bande annonce déjà, même toi t'as dû halluciner, en fait. Nous, on a travaillé, donc c'est différent. Moi, pour moi, quand je vois un processus de travail. Ouais. Mais c'est vrai que le gars, il a rien à reprocher aux plus grands acteurs. Moi, la première fois que je l'ai vu, il jouait un unitaire sur Canal+, il jouait Mobutu. Et il était saisissant, il était incroyable. Donc moi, ensuite, j'ai parlé avec lui et tout, et c'est vrai qu'on s'est entendu humainement. Et voilà, mais il y a lui, il y a Sabrina Ouazani également, ouais, qui joue le rôle de Wallen. Il y a 80% des acteurs, les autres sont des acteurs amateurs de ma cité, de mon quartier, du Neuf, dont mes frères. Il y a Matteo Falcone qui a un rôle important. Voilà, l'idée c'était. Zesso en rappeur, je pense. Il y a Zesso aussi. En tant que rappeur aussi, ceux qui sont dans le projet, il y a Zesso. Il y a Zesso également, ouais. Et des surprises à l'intérieur aussi. On va pas tout dire. Faut pas tout dire non plus. Ouais, on va pas tout dire. Faut aller le voir. Ouais, exactement. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ouais, voilà. C'est aussi, tu sais, c'est hautement symbolique, même le fait que je sois ici à Skyrock et que je parle de ça, parce que c'est quand même, tu sais, la plupart des gamins qui font du rap partout en France, parce qu'on parle souvent du rap Paris, etc. Mais finalement, le rêve de tous ces gamins, c'est de passer sur Skyrock. Skyrock, c'est le Graal, si tu veux, dans le hip-hop. Ah bah, il faut dire qu'il y a une scène aussi qui est réalisée ici dans ce studio, hein, qu'on n'a pas rejoué en studio. C'est vraiment dans le studio de Planète Rap. C'est vraiment dans le studio de Planète Rap. Ça a été tourné ici même. Ouais, ouais. Et voilà, avec toi, un acteur fabuleux. C'est jusqu'à présent, je pense que je peux concourir au César. Hein. Bah, je pense. Il faut voir quoi. Là, je pense qu'on n'est pas très loin. Mais j'ai entendu qu'aux États-Unis, on t'appelait depuis qu'on t'a vu. Ah bah là, c'est parti. Hein. Au moins, j'ai participé à ton ascension. L'ascension est vraiment énorme ici. Mais en parlant d'ascension, tiens, on va faire un petit point toi sur ta carrière. On a préparé un petit medley. Il y a évidemment pas tout. On s'est plongé un petit peu dans NAP. Il y a 2-3 petits sons d'NAP et puis beaucoup de ta carrière en solo. Un petit medley d'Abdel Malik. Il était une fois. Toutes les histoires commencent comme ça. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra comme celui qui portait le nom de cette planète. sursis, la vie a sursis. Voudrait plus de rien, on attend la fin du monde. Prisonnier, cette vie, je voudrais tellement changer. Pour être enfin heureux d'exister avec mon Dieu. Ah, sont-ils pas de la coco ou de l'héros? On peut au moins vendre du shit. Si on tombe pour la coke ou le touch, c'est grosse peine. Y'aura pas de groupe de peurard, rien. T'as besoin de gens rares? Moi j'en ai. C'est ça la solidarité, cousin. Yeah, Skyrock. Chance me fait défaut. Regarde comme ça déchire nos douleurs, nos désirs. Nos douleurs, nos désirs. Skyrock. Dang, dang, dang, dang, dang. J't'ai dans la poche, j't'ai dans les veines. C'est pas la peine, je peux pas guérir de cette douce, douce, douce folie. Et je l'accepte. Je t'aime comme si tu étais Ève, moi Adam. On va conquérir le monde nonchalamment. Seul tout comme seul au monde, à nous seuls comme si je m'appelais Salomon. Et toi la reine de Saba, mon amour est clean mais je t'aime salement. Je t'aime seulement comme un prince charmant. T'es ma femme, t'es ma pote, t'es ma taupe. Tu choisis un prénom? Abdal Malik. Tout le monde est au courant qu'on passe à planète rap ou quoi? Ah bien sûr. J'ai reçu une lettre du tribunal, frère. Je parle de JP, je vais prendre JP, j'ai appelé de planète rap. Rappelle-toi le lycée, t'avais fait un choix. On ne doit pas se sentir étranger dans notre pays. Et notre pays, c'est la France. Voilà. Medley avec tes sons, avec des petits bouts de films aussi que vous avez pu reconnaître hein, si vous avez vu la bande-annonce déjà, ou alors peut-être en avant-première parce que il y a beaucoup d'avant-premières. Demain d'ailleurs tu seras à Lille, demain on aura Wallen avec nous dans l'émission. Wallen sera là. C'est un grand plaisir de retrouver Wallen. Ah, ouais. Et toi par contre on t'envoie à Lille pour l'avant-première. Exactement. Mais on a fait, tu sais, on a fait une dizaine de jours, là on en revient un peu plus. On a fait le Tour de France, on faisait les avant-premières et tout et c'était incroyable, vraiment incroyable. D'abord, c'était bouleversant au niveau de l'émotion. Mmh. Mais c'est vrai que quand t'arrives et on dit, on a été obligé d'ouvrir une autre salle parce qu'il y a tant d'affluence, il y a tant de monde et tout, c'était assez impressionnant. Et à chaque fois, c'était comme ça. Alors, je te raconte pas, à Strasbourg, c'était juste. C'était fou. On va en parler parce que c'est vrai, tu le disais, il y a beaucoup de comédiens issus du Neuf, justement, ouais. Enfin des comédiens qui n'étaient pas comédiens, des jeunes de quartier, qui sont du Neuf et qui ont participé au film. On aura évidemment l'occasion d'en reparler entre 20h et 21h. Et puis il y a aussi, il faut le dire, le film a déjà récolté pas mal de prix avant la sortie. Hein. Ouais, c'est assez fou ça. Ouais, c'est incroyable. On a eu 5 grands prix dans Toronto, festivals qui est. Alors c'est Toronto. Vrai qu'on parle beaucoup des festivals du film de Cannes, mais Toronto c'est un festival incroyable. Hein. Ben, Toronto d'abord c'est le premier festival américain, c'est le plus gros festival américain. Mmh. Et en termes de marché, c'est-à-dire puisque dans les festivals souvent il y a des deals qui se font sur les, c'est le plus gros festival au monde même avant Cannes en termes de marché. Et là Toronto rafle un prix. Ah ouais, on a eu le prix de la critique internationale. Et ce qui est un gros prix et c'était merveilleux. Il y a la Réunion aussi. On a eu la Réunion également, on a eu le prix du public là-bas. Il y a eu Namur, le festival international de Namur qui est aussi un gros festival, on a eu le prix là-bas également. Il y a eu le Croisic qui est le festival des adaptations, c'est-à-dire des bouquins qu'on a eu le prix également là-bas. On a eu ou d'autres. On a eu le à Angoulême également. Et on a eu également à La Baule. On a eu le prix du meilleur film, voilà. Bon, et ben voilà, qu'elle bénisse la France. On va en parler beaucoup de ce film cette semaine. Vous aussi, allez le voir. Dites-nous d'ailleurs si vous l'avez vu lors d'avant-première près de chez vous avec le hashtag qu'elle bénisse la France sur Skyrock. Vous nous envoyez des messages 41759. On va y revenir dans un instant. Tiens, on vous passera la bande-annonce du film. Mais juste avant, on va mettre aussi un morceau parce qu'il y a une bande-son qui va avec. Hein. Il y a une bande-son qui a été. En même temps, c'était un film hip-hop, donc forcément. Forcément. La bande-son, donc, elle va sortir 2 jours avant la sortie du film. Elle sort le 8 décembre. La semaine prochaine, La semaine prochaine. Et elle a été totalement orchestrée, gérée par Wallen. Elle vous en parlera elle-même demain, comment elle l'a fait, pourquoi elle l'a fait. Et c'est la musique inspirée. En fait, l'idée, c'est que pendant que je taffais, quand j'écrivais le scénario ou quand je recevais les premiers rushs, enfin. Et elle, ça l'inspirait des trucs, en fait. Donc, elle a commencé un titre, 2 titres, elle écrivait comme ça. Je lui ai dit, mais pourquoi tu fais pas faire un album? Fais un projet dessus et vas-y, fais le truc et tout. Et comme Wallen, tu sais, elle compose, elle chante, elle écrit, elle fait tout. Et elle a fait un truc fabuleux, quoi. C'est mortel. Bah ouais, ça s'appelle Wallen présente qu'elle a bénisse la France. Exactement. La bande son, qui sera donc dispo lundi. On va écouter un extrait qui s'appelle L'amour fou. L'amour fou. Allez, c'est parti maintenant sur Skyrock.

Tu vois, on est arrivé à dire que c'est possible, quoi. C'est long ou pas? Concrètement, ça t'a paru long pour faire un film par rapport à un album, justement? Ah ouais, c'est un autre temps. Tu sais, il y a 3 ans. En fait, pour un film, t'as minimum 2-3 ans pour faire un film, véritablement. Entre l'écriture, entre les financements, le cast, la disponibilité de chacun. Le budget que t'as réussi à avoir, est-ce que tu dois adapter en conséquence? C'est un vrai travail, tu vois. Moi, j'avais l'impression des fois de retourner à l'école parce que tu dois passer telle ou telle commission. Tu dois apprendre expliquer ton projet. T'es obligé là, t'apprends à la dure, tu vois. Mais voilà, c'est vraiment la beauté du travail, d'un travail d'équipe où des gens se mettent ensemble véritablement pour faire quelque chose. Et j'ai le sentiment qu'un réalisateur, qu'un cinéaste, c'est un facilitateur en fait. Quand t'as la chance d'avoir les jeunes, que soit Matteo Falcone et tous les autres, la manière dont ils ont travaillé, le sérieux qu'ils ont pris à travailler, des gens comme Mark Zynga ou Sabrina Ouazani. Et voilà, c'est des gens, c'était beau de travailler avec tous ces gens-là. Et voilà, où les gens, la technique et tout le monde. Mais voilà, ce qu'on apprend, c'est surtout ça. C'est que véritablement, on peut pas faire les choses seul, plus que jamais. En musique, tu t'en rends déjà compte. Mais là, encore plus, parce que quand t'arrives avec des camions, quand t'arrives avec, c'est quelque chose, tu vois. Mais c'était beau. En plus, ouais, c'est ton premier film, première fois que tu réalises, donc, un film. Il y en a, je pense qu'il y en aura d'autres. Ouais, c'est le premier d'une longue aventure. Et, si on écoutait d'ailleurs la bande son du film, pour avoir un petit avant-goût. Alors, allons-y. Faut juste imaginer un petit peu les images, mais ça, même avec le son, je trouve que il y a tout l'univers de ce film qui sort le 10 décembre. Planet Rap on Skyrock. Il était une fois, toutes les histoires commencent comme ça. Ok, il pleut sur la tête comme il pleure dans mon cœur. Ma vie fut prisonnière d'un environnement où fallait avoir pour enfin être. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Vous nous embarquez pour rien là? Oh, je parle comme je veux, lâche-moi grave, je te dis. Oh. Toi, t'es mon petit frère. Je parle comme ça aux gens, tu me fous là, on te voit tout le monde. Ma bibliothèque, mes livres sont mes seuls bling-bling. Brigitte va bientôt terminer ses études secondaires et ses notes sont excellentes. Nous nous sommes permis de proposer son dossier pour Hippocagne et il a été accepté. En fait, c'est quoi Hippocampe là? C'est Hippocagne. Ah, pour moi, ça va rester Hippocampe. C'est Hippocampe, c'est Hippocampe. Ah, ça dit pas de la coco de l'héros. On peut au moins vendre du shit. Si on tombe pour la coke ou le touch, c'est grosse peine. Il n'y aura pas de groupe de peurard, rien. T'as besoin de genre art? Moi j'en ai. C'est ça la solidarité, cousin. Tu t'es choisi un prénom? Abdel Malik. On était au concert de la Laiterie le mois dernier, c'était super. Tout le monde est au courant qu'on passe à Planet Rap ou quoi? Ah bien sûr. J'ai reçu une lettre du tribunal, frère. Je parle de 10 piges, je vais prendre 10 piges, y'a plus de Planet Rap. Rappelle-toi le lycée, t'avais fait un choix. On doit pas se sentir étranger dans notre pays. Et notre pays, c'est la France. Ok. Cala bénisse la France, c'est le 10 décembre. Le 10 décembre. T'as pas loupé. Avec Abdel Malik, c'est la première fois que tu réalises un film. C'est donc ta première réalisation avec des. On a parlé évidemment des comédiens que tu as pris sur La Cité du Neuf, mais il y a aussi, voilà, il y a Sabrina Ouazani, Mark Zynga, qui sont juste incroyables. Ouais, il y a aussi Karim Belkadra, qui était dans La Haine également. Il y a Mireille Perrier, aussi. Il y a Azesso. Voilà, il y a du monde. Matteo Falcone. Tiens, allez le voir le 10 décembre. J'ai relevé 2-3 trucs sur le net. Tu me dis si c'est vrai ou faux. Hein. D'accord. Tu parlais de La Haine à l'instant. Est-ce que tu t'es inspiré justement de La Haine ou de 8 Miles pour le film? Comme ça reste un film hip-hop et qu'on a. Ouais. La Haine, oui. La Haine, pour te dire la vérité. Il y a un clin d'œil parce que le film est en noir et blanc. Je dis ça aussi. Le film est en noir et blanc. Bon, après, c'est vrai j'ai d'autres références encore dans comme le. Tu sais, des films comme Rocco et ses frères. Enfin, bon, il y a plein de références. Mais si tu veux. Pendant que, pour moi, c'était logique, j'allais aller dans le cinéma, en tout cas dans l'écriture du cinéma. Et c'est vrai que quand il y a quelqu'un qui m'a motivé, qui m'a dit que tu dois aller plus loin que simplement écrire pour le cinéma, mais réaliser, c'est Mathieu lui-même, Mathieu Kassovitz. Il a été vraiment, il m'a dit, c'est lui qui m'a donné entre guillemets le courage d'aller jusqu'au bout. Dessus, ouais. Il m'a dit, t'as les capacités, tu peux y aller et tout ça. Et donc, moi, je suis un enfant de La Haine. C'est-à-dire quand on était plus jeune, quand La Haine est sortie, c'est vraiment un film qui nous a marqué. Et moi, d'une certaine manière, je voulais reprendre là où La Haine s'est arrêtée, d'une certaine manière. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a cette idée de continuité. Une continuité, ouais, exact. Ouais, à fond. Le titre « Qu'Allah bénisse la France » est un pied de nez à l'ambiance politique française actuelle. Ben, c'est quand même l'adaptation de mon bouquin qui s'appelait déjà « Qu'Allah bénisse la France » qui est sorti il y a 10 ans. Mmh. Mais c'est vrai qu'à une époque où on oublie de se rendre compte finalement que la France est un pays, que finalement tu sois juif, chrétien, musulman, que tu crois en Dieu, que tu crois pas en Dieu, on peut tous vivre en harmonie. Et moi, en tant que musulman, je voulais aussi remercier la France pour ça. Et contrairement à l'espèce de comment dire, un peu l'ambiance où on nous dit quand t'es musulman t'aimes pas la France, où on nous compare, alors c'est important de dire que c'est pas vrai et que moi je voulais d'une certaine manière faire parler la majorité, parce que la majorité silencieuse on l'écoute pas, on écoute les mecs qui sont dans des démarches extrêmes, qui sont dans des démarches négatives, on parle toujours des trains qui arrivent en retard, mais il y en a une multitude qui arrive à l'heure et il y a une multitude de gens qui sont heureux dans leur pays, et voilà, et faut jamais oublier qu'on existe par rapport au regard que l'autre nous porte. Être français, c'est pas juste un bout de papier, c'est aussi un regard. Et donc voilà, donc qu'Allah bénisse la France, c'était aussi, ça participait à ce que t'as dit aussi, véritablement. Ouais. Le film signifie la fin de ta carrière musicale. Qu'Allah bénisse la France. Vrai ou faux? Non, mais si tu veux, pour moi, le cinéma, c'est pas juste le 7e art, c'est ça contient les 7 arts. Il y a la musique, il y a l'art pictural, il y a la littérature, il y a la poésie, il y a tout ça. Donc moi, c'est des choses qui m'intéressent. Maintenant, c'est vrai que je vais plus le cœur de mon travail, ça va se situer plus dans le cinéma. Mais voilà, là, je suis en train de travailler avec Bilal et Laurent Garnier sur un projet très très hip hop. Donc voilà. Laurent Garnier, qui est juste un des papes de l'électro, depuis des années ici en France. Années, ouais. Et qui a travaillé avec Bilal et Wallen. Et qui a bossé, ouais, sur la bande son du film. Donc il a apporté vraiment une couleur très particulière au film. Bon, et puis le dernier vu sur le net, vrai ou faux, le film est nominé au César. J'ai pas envie de parler de manière prématurée, mais on est dans la bonne dynamique. Mais t'as entendu ou pas? T'as entendu parler déjà? J'ai entendu des trucs, mais moi, tu sais, j'aime pas trop. D'accord. Moi, je suis quelqu'un, moi, c'est sur pièce, les choses. Donc, voilà. Je sais qu'on parle de marque déjà pour les Césars, on parle du film, mais bon, moi, ce que je sais, c'est que le film sort le 10 décembre. Voilà. Et qu'il faut être nombreux à aller le voir, le film. Il faut être nombreux. C'est quand même l'histoire d'un gars qui écoute, d'un gamin qui rêve de passer sur Skyrock. Mmh. Parce que c'est ça en fait, et qui arrive et il y a tout son truc et qui y est, et voilà. Et moi je trouve que c'est fort parce que c'est quand même un film générationnel. Ah, c'est, ouais, un film sur le rap, sur le hip hop qu'il n'y a jamais eu en France. Sur la vie au quotidien, dans les quartiers. Voilà. Bien sûr, parce que tout ça participe en fait. Et c'est aussi sur la poésie, sur le rap comme poésie et comme littérature, de mon point de vue, du forme culturelle en tout cas la plus pertinente de notre époque. Et voilà, c'est important. À une époque où on nous stigmatise, où on dit les rappeurs en voulant nous insulter, et ben il y a cette idée de dire voilà, c'est une vraie musique et une vraie culture. Et puis c'est aussi voilà l'histoire, c'est ton histoire, mais c'est aussi, ça peut être l'histoire de plein de monde, de gens qui se cherchent, parce qu'à un moment ou à un autre, ouais, on se cherche toujours, donc ouais, ouais, on peut aller dans des choses négatives et puis aller parfois dans du positif. Ouais. Et on en parle pas assez, donc c'est aussi là-dessus le film. Exactement. La morale du film, et ce sera à découvrir le 10 décembre. On va revenir dans un instant. Qu'est-ce qu'on mettra, Malik? Extrait de la bande son. Qu'est-ce que tu as envie d'écouter, tiens? Qu'est-ce qu'on peut écouter? Ça sort la semaine prochaine, hein. La bande-son, c'est le 8, et le film, 10 décembre. On peut écouter le Grand Pardon. Grand Pardon avec Matteo Falcon. Voilà, le Grand Pardon. Bougez pas, ça arrive dans un instant. Je rappelle aussi qu'on a ouvert, là, depuis quinzaine de minutes, les votes Planète Rap 2014. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Skyrock FM. Vous allez pouvoir voter pour l'artiste masculin de l'année, l'album de l'année, l'artiste féminine de l'année, la révélation Planète Rap de l'année. Et sur l'application Yax aussi, le titre de l'année. Tout est expliqué sur Skyrock FM. Allez faire un tour dès maintenant. On revient avec Abdel Malik, notre invité, juste après ça. C'est Skyrock avec à l'instant Mark Ronson, qui sortira son album fin janvier, pas mal, hein. Mortel. Avec Bruno Mars, Uptown Funk, c'est ce qu'on écoutait à l'instant. Et Abdel Malik, il est avec nous toute la semaine pour le film Qu'Allah bénisse la France. C'est le 10 décembre dans les bacs. Tellement habitué à dire dans les bacs. Le 8 décembre, c'est dans les bacs avec la musique inspirée, la bande son, avec de Wallen. Et qu'on peut, je suppose, précommander dès maintenant, hein, la bande son. Allez-y à fond sur iTunes, on peut précommander. Et le film. Le 10 décembre. Sur grand écran. T'arrives à le voir, là, encore le film, ou t'as besoin de prendre du recul, là? Ça dépend en fait, parce que on a vu dans des configurations de salles des fois où c'est assez impressionnant et tout, et tu prends plaisir parce qu'il y a le 5.1 et tout ça, c'est quand même quelque chose. Mmh. Et puis tu regardes toujours des choses, mais quand je suis dans une salle par exemple, je regarde un peu, je reste pas dans tout le film et tout, je regarde les réactions du public et tout ça. C'est comme la musique aussi, t'as envie de refaire des trucs, changer des choses, ou tu dis Ouais, toujours un peu, mais franchement, je suis moins frustré qu'en musique là pour le coup. Je sais pas comment ça se fait, mais voilà. Bah écoute, ouais. C'est parce que tout se passe bien pour l'instant, tout va bien. Tout va bien, tout va très bien. L'accueil est bien sur toutes les avant-premières. Ouais. Excellent, tu disais, hein, quand tu voyages, ouais, là, t'hallucines même. Ouais, non, il y a beaucoup. Sur les ouvertures des salles, les gens sont obligés d'ouvrir une deuxième salle. Certains cinémas sont obligés d'ouvrir une deuxième salle pour les avant-premières. Mais ça, c'est beau. Et voilà, parce que il y a cette idée de raconter, j'ai envie de dire, ces choses-là de l'intérieur, en fait. Pas juste la rue, mais la passion de la musique, le cheminement spirituel. Si tu veux, c'est des choses. Voilà, moi, l'idée aussi, c'était de faire, de dire que on peut aussi vivre des belles histoires. Et que c'est vrai que je suis pas dans le déni de la réalité. Le film, il est dur, mais si tu veux, il raconte quand même quelque chose de positif, et c'est important ça. Bah, il y a ce qui a été un fléau aussi dans plein de cités. Qui est la drogue dure, l'héroïne, et notamment au Neuf. Ce que tu racontais dans tes morceaux déjà dès le début, c'était. C'est-à-dire que voilà, ça a été touché de plein fouet par l'héroïne, donc plein de gens qui sont partis. Exactement. Il y a d'ailleurs une scène qui est assez poignante à un moment, je ne vous raconte pas, mais une scène que vous verrez dans le film avec des personnages qui disparaissent. Soit qui sont incarcérés, soit qui meurent de drogue ou d'accidents de voiture ou plein de choses. Parce que de manière générale, c'est aussi un film hommage au quartier populaire de manière générale. Et finalement, à toutes ces victimes finalement. Et tous ceux qui sont partis, tous ceux qui sont plus là. Et voilà, pour moi c'était important. Et puis c'était important pour les grands de ma cité. C'était important pour ma ville, Strasbourg. C'était important pour le Neuf. C'était important pour toutes les cités de France. De faire un film comme ça, tu vois. Qu'est-ce qui a changé d'ailleurs, toi, quand t'as été retourné là au Neuf, mais tu y vas encore régulièrement? Ouais, bien sûr. À Strasbourg, est-ce qu'il y a justement des choses qui ont changé de ton époque là, de ce que tu racontes dans le film, justement? Si tu veux, à certains égards, il y a des choses qui sont restées les mêmes. Et il y a certaines choses qui ont empiré. C'est un peu triste, mais il y a aussi des choses positives. Par exemple, moi, à mon époque, on était totalement coupé du centre-ville, tu vois, le tramway, il n'y avait pas d'accès. Ne serait-ce que rapport au transport en commun. Et là, ça a totalement changé quand même. C'est ouvert, il y a les tramways, voilà. Et puis après, si tu veux, il y a des choses qui perdurent. Il y a des choses liées à la drogue et tout, plus à la vente, des trucs. Enfin, il y a des trucs un peu durs, mais voilà. Mais en même temps, moi, quand j'étais gamin, mes modèles, c'était des braqueurs, des voleurs de voitures, des dealers. Aujourd'hui, quand même, et notamment grâce au rap, et je suis pas en train de dire que tout le monde doit devenir rappeur, etc., mais être dans une dynamique de je peux transcender ma condition, je peux réussir, tu vois. Moi, quand j'étais gamin, quand on tournait le film, je voyais, il y avait des gamins qui étaient là et tout, qui nous regardaient et ils avaient des étoiles dans les yeux, tu vois. Et il y a cette idée de dire que eux, ils me regardent comme nous, on regardait des exemples négatifs, tu vois. On se dit si on peut au moins servir à ça, c'est bien. Et puis quand tu vois plein de gamins qui viennent, un tel, il dit voilà, je fais telles études, j'ai fait ça, j'ai vu que t'étais un gars de chez nous, t'étais là et t'as pu faire ça, ça m'a donné du courage. Voilà, nous, on est là pour ça. Bon, en même temps, le personnage principal, il a ça aussi. Il a ce côté-là, il est assez fort parce qu'il se réfugie beaucoup dans ses bouquins, il lit beaucoup. Ouais. Ce qui était ta vie aussi. Ma vie, ben moi, si tu veux, les bouquins, c'est les bouquins, la poésie, la littérature, c'est des choses qui m'ont ouvert au monde, tu vois, qui ont fait finalement que dans la cité où on vivait quand même dans un univers quand même clos, et ben grâce aux bouquins, grâce à la littérature, je pouvais voyager, je pouvais aller dans d'autres pays, je pouvais aller dans d'autres époques, etc., par le canal des bouquins, tu vois, c'était mon trip. Aujourd'hui, les gamins, ils jouent aux jeux vidéo pour s'évader, moi, je lisais un bouquin et je m'évadais, tu vois, c'était. Bah, on peut faire les deux. On peut faire les deux. Et il faut faire les deux. Nino de Clermont, ça va bien, Nino? Oui, toi, Fred. Ouais, je te présente Abdel Malik, notre invité toute la semaine. Il est là pour le film Kala bénisse la France, qui sortira à Clermont-Ferrand et dans toute la France d'ailleurs. Comment ça va, Nino? Ouais, ça va. Et toi? Bien, frère, ouais, ça va bien, je te remercie. Bon, est-ce que tu es prêt à nous faire un freestyle par téléphone? C'est l'heure du freestyle par téléphone, Nino. Ouais, je suis prêt. T'as une trompe pour tout défoncer. Je rappelle aussi que cette semaine encore, vous repartez avec les rasoirs Click and Style de Philips. Et à cette occasion, il y a une page aussi sur skyrock.com/shaveandplay où vous allez pouvoir défier Youssoufa, notamment Cut Killer aussi. Allez faire un tour, allez cliquer skyrock.com/shaveandplay. On t'écoute rapper, Nino, c'est parti. Ouais. Wow. Ok, écoute, ok, Écoute le flow décalé du petit comme rien dans le rap game. C'est la deuxième frappe, vous préparez, je vais les laisser qui sont des séquelles. Je rentre dans le rap par réfraction, je les ai fait millimètres dans la caleçon. Je suis venu avec Valure, vagabond dans la ville, la conque de la vie sur vitre, c'est la son. Ce n'est que le début, je vois que tu paniques. Je marche accompagné de 15 rapports, je fais couler ta carrière comme le Titanic. T'as du buzz, oui, je viens pour prendre ta place. Si tu kiffes quand j'accélère, dans ce domaine où j'accélère, je m'arrête de couper les bites, habitué les calibites pour retourner dans le game où j'accélère. Appelle-moi le type déterminé, je fais du sale, c'est pas terminé. Lâche va sur un terrain miné, ta gomme dit que je suis un rappeur, il est sur drapeur, oui, je compte mes vilés. J'ai meilleur que toi, j'ai même pas la vingtaine. J'ai un petit son que je veux impiner, t'auras permis que je fais des salles avec ou sans thème. J'en place une pour les gars de l'équipe, pour la merde, comme tu sautionnes. Quand je n'ai dans team néglige, ma team tu seras vite au calme. Dehors, c'est le bordel, traîne tard, je mets la maman hors d'elle. Je te baisse dans la caméra, pas d'hôtel. Attends, l'Europe bien personnellement tel. Réanime le rap français, contamine un France entier, en fait ta mine dans ton foncière. Je veux que la mine soit la main sortir. Voilà, tu dis qu'à comment est ta mi gosse. Tu baisses tes travaux dans le kéra. Je baisse la prête, pas le soir, mi gosse. J'arrive à l'un qui repart à Panamera. La fille provient dans ses faces, sans substance, c'est face au illicite. Car j'ai de ma faire son expansion pendant que les tiens sont en déficit. Si je suis biche au bord de l'équipe, je le mise, le bif, le bif, la tise, la tise, canalise, la sup, analyse. Pour apagonise, faut qu'on fasse ma valise. Je maîtrise, c'est des traiteurs. Emmène-moi n'importe quel c'est qui tire. Pas dans la porte préférée, ton rappeur, pense à la porte préférée, ton petit sœur. Je veux pas que des sommes, tu vas chavirer. Y'a pas que les soupes, moi soutirer. Sans des ampilles, mon pote, mais si peur, ça marche, tu seras l'un des premiers à soupirer. La mélodie m'a animé, je m'anime, le mal à mille, mais le man, mille, il te fait couler l'hémoglobine. Tu parles, il te fait Alain Nino à l'instant, ça rapide, énervé. Hein, ça rapait sec là. Début de... Mais il y a quoi derrière là? Il y a les portes qui s'ouvrent, qui se ferment. T'es où Nino? Bah là je suis chez moi. Ah ouais, d'accord. Chambre. D'accord, donc tu ouvres les portes en même temps. Non, même pas, même pas. Ah non, tu circules dans la chambre en fait, tu marches en même temps. Ok. Bah, merci à toi Nino. Bravo. Ouais, merci à vous. Tu en parles avec le rasoir Click and Style de chez Philippe, c'est pour toi mon pote. Et moi, je passe les étiquettes. On t'écoute. Ouais, je fais une grosse dédicace à tous mes gars de CLS, tous ceux qui ont validé CLS Squad. Je fais une grosse dédicace à tous les endroits où je tous mes gars de la Fontaine, tous mes gars de la ZUP, tous les quartiers nord. Je fais une grosse dédicace à Vira, Cizar, Samy, Brazi, HKN, Draco, Mebook, les mêmes, hein, FBT, ça bouge pas. Et ouais, voilà, c'est tout. Et je donne des liens aussi vite. Vas-y, vas-y, vous vas-y. Me suivre sur ma page Facebook, c'est Nino. Sur Twitter Nino Music et sur Instagram Nino Music. Nino voilà, Music, ça roule. Ouais. Merci à toi Nino. Ouais, merci à vous. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao. Tu repenses au petit gamin justement, au petit Régis? Mais moi j'étais plus, comme plus... Mais bien sûr, j'étais qui comme rappait, Nino, qui j'étais est... comme je rappais, j'étais dans j'étais dans mon truc quoi en fait. J'étais dans mon truc, j'écrivais tout le temps et je rappais tout le temps, c'était voilà, je me disais que tu sais pour nous les mots c'était les difficultés qu'on pouvait vivre. Nous on a vécu des choses assez difficiles et le fait de pouvoir l'écrire, et eh ben c'est quelque chose qui nous permettait, j'ai envie de dire d'une certaine manière, de que ça pourrisse pas en nous quoi. Tu vois que cette difficulté ça reste pas en nous et le fait d'écrire et de dire les choses, et eh ben ça nous permettait de continuer à vivre d'une certaine manière. Ouais, raconte un petit peu justement toi ton histoire Malik pour ceux qui les connaissent pas. T'es justement t'es à Strasbourg, mais vous êtes nombreux dans la famille. Ouais, on est donc je suis à Strasbourg, on est. Ça c'est pas le film, hein, c'est ta vie, hein, mais. Ouais, c'est ma vie, mais c'est en lien. C'est en lien. On ouais. est. On grandit dans une cité qui s'appelle Le Neuf, qui est une cité, comme on dit, difficile à l'époque. Et le problème numéro un, c'est la drogue, l'héroïne, tu vois. Bah à l'époque, oui, c'est plutôt années 80-90. Ouais, les années 90, ouais. Et c'est beaucoup d'héroïne hein, dans les quartiers. Ouais, beaucoup d'héroïne. Qui va ravager beaucoup de personnes. Ouais. Et ce qui fait que moi, il y a beaucoup de mes proches qui ont été victimes de ça. Et c'est vrai que on a été élevés par une mère seule. Et si tu veux... Tu vois, c'est pour ça, des fois, quand il y en a, ils parlent de l'abandon des parents, je trouve ça inadmissible. Moi, ma mère, elle faisait plusieurs jobs en même temps pour qu'on puisse manger, pour qu'on puisse, elle était seule avec ses enfants, tu vois. Et bah oui, c'est souvent, là, maintenant, c'est montrer du doigt les familles monoparentales. Les familles monoparentales, comme si les parents, ils disaient, j'aime bien que mes enfants, ils traînent dehors et tu vois. Mais sauf qu'elle était pas là, et comme elle était pas là, et ben, nous, la rue, ben, on était dehors, quoi, tu vois. Et on faisait des bêtises. Mmh. Et si tu veux, ces bêtises, au départ, tu rigoles. T'es gamin. Et petit à petit, ces bêtises, ces jeux se transforment en drame. Et y a eu la mort, il y a eu des choses vraiment difficiles, si tu veux. Et c'est vrai que le rap, ça a permis justement de, quand on a commencé à écrire, même les notions morales, tu sais, c'est important, ce qui est bien, ce qui est mal, etc. C'était le fait de verbaliser ces choses-là, le fait d'écrire sur ces choses-là. Avoir des repères, quoi. Des repères. Ouais. Et ça nous a donné un but. Tu vois, on était un petit groupe de la cité, du petit groupe de la cité, on est devenu un groupe important dans la ville, après dans la ville, dans la région. Après, on a eu envie de que ça fonctionne pour nous au niveau national. On a été aidé par des rappeurs, des gens comme les Little, notamment Sulibi, qui ont fait en sorte que à Paris on puisse être connu, etc. Ensuite on a sorti premier album, etc. On est devenu un groupe national, on a poussé, on a fait notre premier Planète Rap. Je me souviens, j'étais tout jeune, je devais avoir quoi, 20, 21, 22 ans. Fougueux. Ouais. Je suis toujours fougueux, ouais. Mais moins jeune. Mais bon, voilà quoi. Et on est là, et voilà. Et Mais t'imaginais quand même pouvoir avoir cette carrière à un moment ou à un autre, ou c'était quand même juste, voilà, c'est ce que tu t'expliquais, genre, ça te permettait d'avoir des repères, mais il y a un moment, tu disais, bon, peut-être que je fasse autre chose. Tu sais, regarde, on parlait de Toronto tout à l'heure, il s'est passé un truc à Toronto, j'étais là-bas. Et on m'a présenté, je devais aller au photocall, donc on m'a dit vous serez trois, on va vous faire des photos, vous allez être trois et tout, et j'arrive. Et à ma droite t'as Denzel Washington et de l'autre côté t'as Al Pacino, tu vois. Et quand j'ai vu ça et quand j'ai serré la main, quand même là je me suis dit ouais, il y a un truc quand même, tu vois. Et je me suis dit, et là j'ai pensé à Régis. Ouais. Là j'ai pensé au petit gars du Neuf et tout ça qui a. Et on était là, quoi, tu vois. T'as Denzel Washington et Al Pacino, tu vois. C'était fort. Et puis, même, j'ai rencontré des cinéastes que j'admire à fond. C'était beau et on parlait de cinéma, on parlait de hip-hop, on parlait de Spike Lee, on parlait de Scorsese, tu vois, c'était. Et ça, c'était émouvant. Et pour le coup, c'est là que j'ai vu le parcours. Jusqu'à présent, j'avançais, je m'étais jamais arrêté sur moi-même, tu vois. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, quand même, on a fait quelque chose du neuf à New York. Mais c'est bien parce que voilà, c'est bien de le préciser. Qu'Allah bénisse la France, au film donc qui sort le 10 décembre. C'est ça avant tout aussi le message. Il y a pas de fatalité. Restez pas bloqués contre un mur de la cité. Enfin voilà, c'est totalement. Et faut tenter quoi. Et tous ceux qui vont vous dire que le rêve, qui vous interdisent de rêver, tu vois, ils t'insultent en te traitant de rêveur ou ils te disent t'es un utopiste. Moi j'étais un rêveur. J'ai toujours rêvé et j'ai toujours cru en l'utopie, tu vois. Et c'est aussi ce message que j'ai envie de dire à tous les gamins, qu'en vérité ils peuvent être ce qu'ils veulent. Et qu'en vérité, ils doivent rêver. Il y a toujours des esprits chagrins qui vont leur dire non, c'est pas possible, c'est mort. Tu arriveras pas, tu viens d'un quartier, c'est mort. Alors que c'est pas vrai. Et c'est vrai lié à la musique, mais c'est aussi vrai lié rapport aux études. Moi, j'ai pu faire des études supérieures aussi. Voilà, tout ça, c'est vrai par rapport. Et j'ai des potes qui ont des vrais, qui viennent de la cité comme moi. Certains sont médecins, d'autres qui ont des. Ils ont fait hippocampe. Ils ont fait hippocampe. Ouais. On dira pas, ils verront pour le film. Mais voilà, donc il y a cette idée de dire qu'on peut vraiment transcender sa condition et que on doit rêver, que le rêve c'est important. Voilà. Bah dites-nous d'ailleurs si vous êtes dans un quartier, voilà ce que vous pensez un petit peu du discours de Malik. Ça fait du bien justement d'avoir ce discours là, je trouve, en ce moment. C'est ce que tu disais, c'est une majorité qui est silencieuse. Ouais. Faut quand même pas l'oublier, qu'on montre souvent des minorités. Ouais, et voilà, il y a une majorité silencieuse qui, j'espère, va se reconnaître dans ce film. Dites-nous un petit peu, voilà, si vous êtes touché par le discours, si vous avez envie de voir le film. Il sort le 10 décembre, 41759, avec le hashtag Qu'Allah bénisse la France sur Skyrock. Il est un peu long le hashtag, mais vous pouvez raccourcir en mettant juste le dièse Skyrock, n'hésitez pas. Ouais. Si vous voulez envoyer des messages, ça arrive direct dans le studio. On avait dit qu'on mettait un son. Ouais, c'était le grand pardon. Le grand pardon. Et ben on le balance tout de suite maintenant. Allons-y. Sur Skyrock. Wallen et Matteo Falcone. Et ça sort le lundi 8. Le lundi 8 la décembre. La bande-son. Combien le monde est violent, heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants. Nous sommes comme le soleil, un jour d'éclipse. On nous regarde sans nous voir et c'est l'apocalypse. Sur le chemin de la mosquée, j'écris mes premiers 16. Habillé à la mode pakistanaise, un homme sous nous salue, assalam alaikum. Ils l'ont jugé, j'aurais voulu qu'un ange vienne fermer leur bouche. C'est cousu, un manteau fait de toutes nos colères. C'est une pop star adulée sur internet. On juge, on critique, on envoie même en enfer. Que celui qui n'a jamais péché jette le premier commentaire. Oh, à l'arrière d'une fourgonnette, une main sur le canon, l'autre main sur la gâchette. Qui sommes-nous pour disposer de la vie d'un autre? L'ennemi reste tapis entre nos côtes. Pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pard pardon est haineux. Personne n'est comme Matteo Falcon, un bonhomme qui résonne dans la zone. J'ai vu trop de blèmes et des blâmes on te donne, c'est la même. Donc j'ai décidé de décéder les blèmes. Plus jamais céder, j'étais OP obsédé par la violence. Toute mon enfance j'ai traîné, entraîné dans les blocs comme un Black Ops. Black Atata font les tirs de calache. Mais qu'est-ce que t'attends pour fuir la violence? Redevenir pote avec ton ami d'enfance. C'est toujours une histoire de cash ou de race. De territoire où toi t'es blanc, moi je suis noir. Pardonne ma différence. Si j'ai pas la même religion que la tienne. Pardonne ma différence, accepte ma différence. Donne-moi une seconde chance. J'ai pas de Beretta que la baraque à la fortune. Y'a pas de baratin, tout ce que j'ai dit j'assume. Dieu pardonne les haineux. Si je pardonne, Dieu me pardonne. Dieu pardonne les haineux. Empereur Matteo Falcon. Empereur Matteo Falcon. LVMH Matteo Falcon. Voilà, à l'instant, c'est extrait de la bande son. Ça fait plaisir de réécouter Wallen en tout cas. Wallen, Matteo Falcon. Et Ditson aussi à la musique avec Wallen. Voilà, Wallen, on l'aura demain, elle vient demain dans l'émission. Demain, la reine Wallen. La reine débarque. Ouais. Pendant que le roi sera à Lille. À Lille. Sur ses terres à Lille. Sur ses terres à Lille. Là, il y a un message qui est intéressant justement quand je disais, ouais, est-ce que vous avez envie de voir le film? Est-ce que vous vous sentez touché par le discours de Malik? Il y a un message, il y a Tim Karim qui nous a envoyé ça en disant, mais moi je viens pas d'un quartier, mais j'ai quand même envie de voir le film et je trouve que c'est bien parce que c'est, même si on vient pas d'un quartier, mais on bien peut sûr. Parfois très bien être enfermé bien dans une petite ville, dans un pavillon. Enfin, je trouve que le message, alors évidemment, ça raconte ton histoire donc ça se passe dans un quartier, mais ce côté enfermement ou ce côté un peu hier qu'on peut avoir parfois, il touche tout le monde, hein. Il touche tout le monde et puis de manière générale il faut comprendre que l'humanité ça s'arrête pas aux frontières des cités, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, ce film il est pour tous les êtres humains et c'est l'histoire d'une vie, c'est l'histoire finalement. Parce que c'est un cheminement quoi. C'est un cheminement. Mmh. Donc voilà, et quand je disais tout à l'heure que c'est un hommage que je voulais rendre au quartier populaire, mais c'est aussi un hommage et c'est pour ça que c'est bien que tu précises, c'est aussi un hommage rendu à tous ceux qu'on met de côté, tous ceux qu'on met en périphérie, et t'as des gens qui habitent dans des villages qui sont qu'on met de côté, qu'on calcule pas, tu vois, et qui vivent aussi une forme d'enfermement. Et voilà, c'est important, tous ceux en réalité tous ceux qu'on met au banc de la société. T'as rencontré justement sur les avant-premières des gens qui étaient pas forcément issus du quartier, qui sont venus te voir en parler en disant film m'a touché. J'ai rencontré des gens de tout milieu en fait. Et c'est vrai que j'ai rencontré aussi des gens qui venaient de villages et qui me disaient qu'on parle jamais d'eux, qu'on les calcule pas, qu'ils sont mis de côté, ils sont ni de banlieue ni du centre-ville, c'est-à-dire que voilà. Et c'est pour ça que c'est aussi un hommage aux gens en général qu'on met de côté. Et si tu veux, moi ce qui m'intéresse en tant qu'artiste, c'est de faire du lien. Matin, midi et soir, t'as des gens, on met de l'huile sur le feu, on sépare les gens. T'as des pseudo-intellectuels, des gens comme Zemmour, etc., qui viennent mettre de l'huile sur le feu. T'as des politiques qui tiennent plus des populistes que quoi que ce soit, des gens comme Marine Le Pen, etc. Et moi, je suis là pour dire que faut jamais oublier que c'est le peuple qui a le pouvoir. C'est nous qui avons le pouvoir. Et qu'en réalité, on peut changer les choses. Être dans une démarche. Et la première, tu sais, il y a cette parole que je dis assez souvent, c'est que la meilleure des choses qu'on puisse faire pour changer le monde, c'est se changer soi. Et moi, je suis là pour, si tu veux, donner du courage. Je suis un donneur d'espoir, tu vois, Fred. Mais je sais, ouais, c'est ça d'ailleurs qu'on ressent aussi bien dans ta musique ou alors dans le film. Vous allez le comprendre d'ailleurs en voyant le film le 10 décembre. Ouais. Qu'Allah bénisse la France. C'est vrai que il y a ce côté-là. En tout cas, ce côté humaniste. Voilà, faire du bien aux autres. Ouais, et puis faire du bien aux autres, mais aussi faire du bien à soi. Je veux dire, on est plus heureux lorsqu'on réussit à construire que lorsqu'on détruit, tu vois. Tu vois, par exemple, il y a des mecs, il y a des gens qui ont parlé, qui ont dit oui, mais qui me disaient à un temps, ils me disent oui, mais Abdelmalik, t'es bien pensant. Mais moi, je préfère être bien pensant que mal pensant, frère. Mais c'est ça qui est assez terrible. Tu vois que je te dis, c'est vrai que quand on te voit dans les émissions de télé, bah justement où il y a. Mais moi, je Zemmour, représente. Où les mecs t'attaquent là-dessus en disant oui, mais bon, c'est le discours un peu convenu, un peu. Mais convenu, mais eux, ils sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Nous, non, mais c'est vrai. Tu sais, regarde, le langage, c'est ce qui te fait exister dans la société. C'est-à-dire que celui qui arrive à exprimer son monde intérieur, c'est lui, il va réussir à défendre ses idées véritablement. Et quand tu n'as pas de bagage suffisant pour défendre tes idées, les mots, etc., et ben c'est là que la violence elle arrive. Et c'est dans ce sens-là que moi je dis à tous ces gens qui disent oui mais vous tatati, mais mettez plus d'éducation, faites en sorte que les gens dans les cités, parce que l'école républicaine elle permet ça, puissent aller à l'école réellement et pas se et réussir et pas aller en garderie et pas aller en garderie. Et ben vous allez voir que ces gens-là, c'est peut-être eux qui vont faire en sorte que la France soit à la hauteur d'elle-même, que tous ces gens que vous mettez de côté, c'est eux qui vont faire en sorte que la France soit fière d'elle-même. Et ça c'est important. Et donc moi j'essaye de en toute humilité de représenter. Et t'as raison d'avoir ce discours, c'est ce discours qu'on a toujours tenu en tout cas ici dans l'émission, et on continuera à le tenir, même si c'est vrai qu'en ce moment t'as une tendance où c'est ce que tu disais, c'est beaucoup plus simple de diviser, c'est beaucoup plus simple de mettre les gens dans des cases en se disant voilà, être un bon Français c'est ça. Non, justement. Et justement la France, tu vois, ce qui est lié avec l'esprit français, c'est cet esprit de, comment dire, du non-asservissement, de dire non, on est bien ensemble, on veut construire ensemble, qu'on soit juif, musulman, qu'on croit en Dieu, qu'on croit pas en Dieu, qu'on arrête de nous importer des conflits qui ont rien à voir avec nous, et que nous ici on peut donner un exemple au reste du monde. Et puis qu'on arrête de montrer des gens en disant voilà, c'est des islamistes, parce que même déjà tu mets le terme islam, pour moi c'est juste des mecs, c'est des criminels et basta quoi. Ouais, et puis de manière générale, regarde, quand par exemple il y a eu le scandale des prêtres pédophiles, on dit pas que tout le christianisme est pédophile. Ouais. Il faut qu'on soit juste avec les musulmans aussi. C'est pas parce qu'il y a deux trois têtes qui font des choses qui sont hors d'une conception biaisée de l'islam qu'on va dire que tous les musulmans sont des meurtriers ou quoi que ce soit. L'islam c'est une religion de paix, de respect, d'amour, d'acceptation de l'autre dans la différence. Et ça c'est important. Et tu auras remarqué que dès qu'on parle d'islam, ou dès qu'on parle de gens de banlieue, ou dès qu'on parle de gens dont la culture c'est le hip-hop ou le rap, et ben d'entrée les intelligences se mettent en pilote automatique. On voit plus la spiritualité, on voit plus l'intelligence, on voit plus l'art, etc., etc. Et donc c'est à nous autres de montrer, de dire ok, vous avez cette image de nous, et ben nous on va vous montrer une autre image, et on va vous montrer qu'on est comme vous, voire mieux que vous. Et voilà, c'est cette démarche là qu'il faut avoir. Et on aime ce pays. Et ben voilà, et puis on aimera aussi qu'Allah bénisse la France, qui sort le 10 décembre avec la bande son dès lundi. Avant de se quitter, on fait tourner rapidement la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre la tournée 2015 de Nawel Madani. Salut Alice de Mont-Saint-Barœil, comment ça va Alice? Ça va et toi? Eh ben écoute, en pleine forme, tiens, je sais pas si t'as vu Nawel Madani justement en spectacle, parce qu'elle aussi c'est un peu son discours, hein, voilà, de réunir tout le monde. Ouais, elle aurait autour de l'humour, avec justement elle autour de l'humour, hein, qui est encore un autre exercice, l'humour, le stand-up sur scène. Ouais. Et mais puis elle a un beau prénom, elle s'appelle Nawel. Donc ça rappelle quelqu'un. Ah, ça me rappelle ça quelqu'un. Ça te rappelle une belle histoire. Eh oui. Alice, comment va? Oui. Trop bien. Je suis bien, je veux trop mes places. Eh ben les places pour aller voir le spectacle de Nawel, c'est quand tu veux. Tu dis stop. Alice, t'es en équipe ou quoi? Avec ma petite soeur, ouais. Avec la frangine. Eh ben c'est pour vous deux, Lille le 7 avril. Ouais, moi je porte chance, voilà. Alice. Ah, c'est vrai que tu portes chance. Mais bien sûr, ouais, je porte chance. Tu portes chance. Voilà, et en plus demain je vais à Lille, donc c'est tout pour toi, Alice. Ah bah Alice, tiens, demain c'est l'avant-première. Je sais pas s'il reste des places pour l'avant-première à Lille. Il faut vérifier. Mais il faut vérifier, mais demain il y a Abdelmalik qui sera là-bas pour l'avant-première de son film. Qu'Allah bénisse la France. Voilà. Y a pas de soucis, je serai là. Ah bah oh, tu super. Iras voir Malik, tu diras j'ai gagné à la roulette grâce à toi. Mais oui. Moi je porte chance, Alice. Ouais, profite ça, bien ça. Du spectacle de Nawel Madani alors. Ouais bah voilà, bah, elle aussi dans cette démarche-là de réunir tout le monde autour voilà. Et elle parle justement de ses racines sur dans son spectacle. Tu verras, Alice, c'est un super moment pour le spectacle de Nawel Madani. Tête de place. Y'a pas, génial, super. Merci Sky. Ciao, passe une bonne soirée. Merci Malik en tout cas pour cette première soirée. Avec grand plaisir. On n'est plus qu'à quelques jours maintenant de la sortie du film. On est à quelques jours de la sortie. Demain tu vas vivre encore un moment. On t'appellera demain à Lille. Ouais, il faut m'appeler quand vous serez avec la reine Wallen. Avec la reine Wallen, on sera là. Demain on sera dans le studio, toi tu seras à Lille, on fera un duplex avec Lille. Mortel. Savoir comment se passe cette avant-première là-bas. Super. Et ben merci pour cette première soirée. Et ben merci de m'avoir reçu. C'est toujours un plaisir d'être sur Skyrock. Tu reviens quand tu veux. Tu reviens filmer quand tu veux. Ouais, c'est un comédien qui est prêt. Non, je sais, mais peut-être tu coûtes trop cher, Fred, maintenant. C'est vrai. Donc, je vais voir avec ton agent. Difool. Oui, c'est moi l'agent. Je suis l'agent de Romano, de voilà. Fredo. J'ai beaucoup de problèmes. C'est désormais notre agent. Bon, très bien. C'est avec lui qu'on va voir les contrats. C'est avec lui. Je ne sais pas si j'ai misé sur les bons poulains. Non, je suis pas sûr. Attends, il y en a un qui va avoir meilleure musique. Oui. La victoire. Et moi qui vais récolter le César. Normalement, si tout se passe bien. Tout se passe bien. Ouais, les pronostics vont dans ce sens. Si Abdelmalik, tu le dis. Je viens de croire. Merci Abdelmalik. C'est en cours merci pour cette soirée. L'histoire continue. Merci à vous. Et demain, donc, c'est la reine Wallen. Demain, la reine Wallen est là. Et ça va faire plaisir de la retrouver dans l'émission. Et le duplex en direct de Lille avec toi. Exactement. Et bien on sera là demain soir, 20h-21h, pour la suite du Planète Rap. C'est toute la semaine. Calabéis la France. Et à pas louper sur Skyrock et dans les salles très bientôt. Et la semaine prochaine. Ouais. Oui, ça approche. Exactement. Le stress monte, Abdel ? Non, moi je suis serein de nature, donc ça va. Oui, c'est vrai. C'est mieux comme ça. Toi, t'es tranquille. Malik, c'est vrai que j'ai toujours connu très calme. Ouais, c'est vrai. Il t'apporte une sérénité. C'est-à-dire que même quand t'es en stress, t'arrives là. Ouh. C'est bien de se détendre de temps en temps. Bah, c'est ce qu'on va faire comme tous les soirs. Donc. Attention. C'est parti dans un instant sur Skyrock, la radio libre en direct sur Skyrock dès maintenant. Vous pouvez nous appeler. Il y a un petit Black M pour démarrer la soirée. Là, ça sera dans 2 minutes. Le temps de se préparer, le temps de vous accueillir au 01 53 40 30 20. Vous nous appelez, Marie nous fait une danse du ventre assez perturbante, je dois vous le dire. Écoute, je danse, je suis heureuse. Continue, Marie. Avec ma chemise ouverte, trop froid dehors. Black M, on se fait du mal pour démarrer. Et nous, on va se faire du bien toute la soirée jusqu'à minuit. 01 53 40 30 20. Vous nous appelez, le 41 759, les applis Skyrock. Et puis pour nous appeler, pour débarquer ici, c'est ouvert, radio libre intégrale et en direct jusqu'à minuit. Ah, est-ce que je peux rappeler un petit truc? Vas-y, ouais. Fredo. Que les votes Planète Rap sont ouverts, on peut aller voter maintenant. Skyrock FM et sur l'application Yax également, avec une catégorie, le titre de l'année. Oui, quel est le titre de l'année pour vous? Vous envoyez ça sur, vous allez sur Yax en fait. Voilà, ou alors sur Skyrock FM, tout est expliqué, il y a les catégories, il y a tout, et le grand résultat, ce sera la semaine du 29 décembre. Eh bien, on sera là, évidemment. Yes. Merci, et bien on sera là dès demain d'ailleurs avec Wallen. Hein. Yes. Pour la suite de la semaine spéciale. Salut Abdel Malik, merci à toi. Salut. Ciao. Merci à vous. Salut Fredo. Ciao. Et la radio libre arrive avec Black M. Coup d'envoi. Ouais, coup d'envoi, c'est parti.